FSI French Revised, Dialogue 5, Le Climat. Dialogue for listening, Le Climat. Qu'avez-vous fait pendant le week-end? Je suis allé à Versailles. En auto? Oui, par la nouvelle route. Comment est-elle? Elle est meilleure que l'autre. Malgré la pluie, elle n'était pas glissante du tout. Elle doit être aussi plus jolie que l'ancienne. Bien plus, parce qu'elle traverse la forêt. On parle des vacances. Allez-vous à la campagne ou au bord de la mer cet été? Je ne sais pas encore, mais je voudrais du soleil. Allez dans le midi, il y fait chaud et sec. Oui, mais ma femme n'aime pas la chaleur. Alors choisissez l'Atlantique, il y fait beau et frais. On critique la Normandie. Et Henri, où va-t-il cette année? Il a une villa en Normandie pour la saison. Il fait toujours mauvais temps dans cette région. Il y pleut très souvent et il y a trop de vent. Non, pas toujours, vous exagérez. Peut-être. En tout cas, les automnes, ils sont très humides. Et ici, quel temps fait-il en hiver? Il gèle et il neige en général pendant 2 mois. Mais cette année, il a fait moins froid que l'année dernière. Dialogue for learning. Le climat. Le climat. Pendant le week-end. Qu'avez-vous fait pendant le week-end? Qu'avez-vous fait pendant le week-end? À Versailles. Je suis allé à Versailles. Je suis allé à Versailles. En auto? En auto? Par la nouvelle route. Oui, par la nouvelle route. Oui, par la nouvelle route. Comment est-elle? Comment est-elle? Meilleure que l'autre. Elle est meilleure que l'autre. Elle est meilleure que l'autre. Pas glissante du tout. Elle n'était pas glissante du tout. Malgré la pluie, elle n'était pas glissante du tout. Malgré la pluie, elle n'était pas glissante du tout. L'ancienne. Plus jolie que l'ancienne. Elle doit être aussi plus jolie que l'ancienne. Elle doit être aussi plus jolie que l'ancienne. La forêt. Parce qu'elle traverse la forêt. Bien plus, parce qu'elle traverse la forêt. Bien plus, parce qu'elle traverse la forêt. On parle des vacances. On parle des vacances. Cet été. Ou au bord de la mer cet été. La campagne ou au bord de la mer cet été. Allez-vous à la campagne ou au bord de la mer cet été. Allez-vous à la campagne ou au bord de la mer cet été. Du soleil. Mais je voudrais du soleil. Je ne sais pas encore, mais je voudrais du soleil. Je ne sais pas encore, mais je voudrais du soleil. Allez dans le midi. Allez dans le midi. Chaud et sec. Il y fait chaud et sec. Il y fait chaud et sec. Pas la chaleur. Mais ma femme n'aime pas la chaleur. Oui, mais ma femme n'aime pas la chaleur. Oui, mais ma femme n'aime pas la chaleur. L'Atlantique. Choisissez l'Atlantique. Alors choisissez l'Atlantique. Alors choisissez l'Atlantique. Beau et frais. Il y fait beau et frais. Il y fait beau et frais. On critique la Normandie. On critique la Normandie. Cette année. Où va-t-il cette année? Et Henri, où va-t-il cette année? Et Henri, où va-t-il cette année? Pour la saison. En Normandie pour la saison. Il a une villa en Normandie pour la saison. Il a une villa en Normandie pour la saison. Dans cette région. Toujours mauvais temps dans cette région. Il fait toujours mauvais temps dans cette région. Il fait toujours mauvais temps dans cette région. Et il y a trop de vent. Très souvent, et il y a trop de vent. Il y pleut très souvent et il y a trop de vent. Il y pleut très souvent et il y a trop de vent. Non, pas toujours. Non, pas toujours. Vous exagérez. Vous exagérez. Peut-être. Peut-être. Ils sont très humides. Les automnes, ils sont très humides. En tout cas, les automnes, ils sont très humides. En tout cas, les automnes, ils sont très humides. Fait-il en hiver? Quel temps fait-il en hiver? Et ici, quel temps fait-il en hiver? Et ici, quel temps fait-il en hiver? Pendant 2 mois. En général, pendant 2 mois. Et il neige en général pendant 2 mois. Il gèle et il neige en général pendant 2 mois. Il gèle et il neige en général pendant 2 mois. L'année dernière. Moins froid que l'année dernière. Il a fait moins froid que l'année dernière. Mais cette année, il a fait moins froid que l'année dernière. Mais cette année, il a fait moins froid que l'année dernière. Dialogue for fluency. Le climat. Le climat. Qu'avez-vous fait pendant le week-end? Qu'avez-vous fait pendant le week-end? Je suis allé à Versailles. Je suis allé à Versailles. En auto? En auto? Oui, par la nouvelle route. Oui, par la nouvelle route. Comment est-elle? Comment est-elle? Elle est meilleure que l'autre. Elle est meilleure que l'autre. Malgré la pluie, elle n'était pas glissante du tout. Malgré la pluie, elle n'était pas glissante du tout. Elle doit être aussi plus jolie que l'ancienne. Elle doit être aussi plus jolie que l'ancienne. Bien plus, parce qu'elle traverse la forêt. Bien plus, parce qu'elle traverse la forêt. On parle des vacances. On parle des vacances. Allez-vous à la campagne ou au bord de la mer cet été? Allez-vous à la campagne ou au bord de la mer cet été? Je ne sais pas encore, mais je voudrais du soleil. Je ne sais pas encore, mais je voudrais du soleil. Allez dans le midi. Allez dans le midi. Il y fait chaud et sec. Il y fait chaud et sec. Oui, mais ma femme n'aime pas la chaleur. Oui, mais ma femme n'aime pas la chaleur. Alors choisissez l'Atlantique. Alors choisissez l'Atlantique. Il y fait beau et frais. Il y fait beau et frais. On critique la Normandie. On critique la Normandie. Et Henri, où va-t-il cette année? Et Henri, où va-t-il cette année? Il a une villa en Normandie pour la saison. Il a une villa en Normandie pour la saison. Il fait toujours mauvais temps dans cette région. Il fait toujours mauvais temps dans cette région. Il y pleut très souvent et il y a trop de vent. Il y pleut très souvent et il y a trop de vent. Non, pas toujours. Non, pas toujours. Vous exagérez. Vous exagérez. Peut-être. Peut-être. En tout cas, les automnes y sont très humides. En tout cas, les automnes y sont très humides. Et ici, quel temps fait-il en hiver? Et ici, quel temps fait-il en hiver? Il gèle et il neige en général pendant 2 mois. Il gèle et il neige en général pendant 2 mois. Mais cette année, il a fait moins froid que l'année dernière. Mais cette année, il a fait moins froid que l'année dernière. Dialogue for participation. You are Monsieur Dubois. Begin. Je suis allé à Versailles. Oui, par la nouvelle route. Elle est meilleure que l'autre. Malgré la pluie, elle n'était pas glissante du tout. Bien plus, parce qu'elle traverse la forêt. On parle des vacances.